L'Association d'études de la politique de Songun, le Cercle d'études des études Jutsu, l'Association d'amitié avec la Corée de Grande-Bretagne, le comité préparatoire pour le rendez-vous en l'honneur des grands hommes actuels en 2017, le comité Suisse-Corée et le Cercle d'études des études Jutsu de Suisse ont publié respectivement une déclaration commune pour accuser les impérialistes américains et les bellicistes sud-coréens qui livrent les manœuvres militaires qui résolvent et aigrent de nature provocatrice.